suis un prisonnier, aujourd'hui condamné. Le jugement est tombé, ils vont m'assassiner. Il me reste les rêves aux couleurs du passé. Bien avant que je crève, je m'y suis raccroché. Les murs m'ont poussé à épouser la mort. Mon cœur l'a rencontré, enfermé sur son sort. La prison s'est effacée de ses plus grandes peurs. C'est depuis qu'il sait le jour de son heure. Yeah, yeah. Toutes les secondes qui s'y présentent dans mon esprit, de plus en plus soufflées par choisir ses derniers désirs. Je suis paralysé, ne plus revoir l'avenir. J'entends ce grand cri sourd, recherchant tour à tour à rester accroché à cette simple vie. On a tous un vaurien qui sommeille en chacun. Le mien s'est réveillé, je l'ai bien cherché. C'est mon sort, c'est foutu, j'ai vraiment tout perdu. La mort et cette loi ayant raison de moi. C'est mon sort, c'est foutu, j'ai vraiment tout perdu. La mort et cette loi. Yeah, yeah. Toutes les secondes qui s'y résonnent dans mon esprit, de plus en plus soufflées par la folie. Ne plus pouvoir choisir ses derniers désirs. Je suis paralysé, ne plus revoir l'avenir. J'entends ce grand cri sourd, recherchant tour à tour à rester accroché à cette simple vie. Non, je veux dénoncer tout. Choisir ses derniers.